franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha, ha, nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 194. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 28 février 2010, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout cette semaine, es-tu certain que la menace d'une pénurie d'essence ait réellement inquiété les Français ? On commence par la grève chez Total, si les raffineries sont stoppées, c'est la pénurie qui menace tout le pays. Alors, est-ce grave ? Les Français sont-ils inquiets ? Chérie, c'est terrible ! Y a plus d'essence ! Mon Dieu ! Oh, t'imagines si on avait encore la voiture ? Ouais, et imagine si j'avais encore mon boulot ! J'aurais pas pu y aller ! Oh là ! Oh, on est passé tout près d'une catastrophe ! Heureusement, la pénurie de travail va compenser la pénurie de pétrole. Voilà, ce matin, l'ami, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jeu d'Assaint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audio-rama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous croiserons ce matin une belle langue de bois, puis une langue totalement pâteuse et quelques langues de vipère. Dans la foulée, nous reviendrons sur cette bérésina olympique des sportifs français aux Jeux d'hiver de Vancouver. Ensuite, nous siégerons clandestinement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont tenté mercredi dernier d'être nommés au Conseil constitutionnel. Une quête de sagesse que nous ausculterons ici sans délit de faciès. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où des salariés sous pression emmenés par Jean-Claude ont décidé de séquestrer leur patron. Et puis, nous enchaînerons avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter et ce matin, nous t'offrirons une définition de l'adjectif d'une génération désenchantée. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et casse-toi du salon. On the way to work one morning down the path alongside the lake. A tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh, well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, yes. Oh, tender woman. Take me in, yes. For heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she wrapped up all cozy in a curvature of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night. As soon as she arrived, now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I you were in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again, and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. I saved you, cried that woman, and you bit me even a while. And you know your bite is poisonous, and now I'm gonna die. Oh, shut up, silly woman, say that a reptile with a grin. Now you knew darn well I was a snake before you brought me in. Please take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Sighed the snake. The Snake. Ce fut en 1968 le subtil reptile que nous présentait Al Wilson. Mais qu'en est-il du serpent au fond du vallon ? L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva. Eh bien, après cette magnifique épigramme sous la plume vengeresse de Maître Voltaire, il est temps pour nous, à 11h12, d'amorcer ensemble les modestes péripéties laïques de ce 194e épisode du Mangin Palace. Ainsi, confortablement vautré, voici maintenant notre petite session freudienne où, ce matin, Monsieur Divan Beaujelet nous a mixé une soupe d'organes buccaux. Les ingrédients sont les suivants: 200 g d'une belle langue de bois, 3 barils de langue pâteuse et quelques louches de langue de vipère. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Didier Migaud, bonjour. Bonjour. Je vous ai déjà vu quelque part. Vous êtes ancien député socialiste. Qu'est-ce qu'il fabrique ici ? Premier président de la Cour des comptes, nommé par Nicolas Sarkozy. Zoltan ! Il n'y a pas de quoi triompher. Pourquoi avez-vous accepté cette nomination ? J'en sais rien. Parce que c'est une fonction prestigieuse, indépendante et inamovible. C'est pas mal, mais c'est un peu mièvre. Et à ce matin, vous refusez de faire le moindre commentaire politique. Je suis une tombe. Sur la finance ou l'économie. Je ne dirai jamais, jamais, jamais un mot à ce sujet. Mais je n'ai pas de commentaires politiques à faire. Et je vois que ça ne sert à rien de te parler de ça. Didier Migaud, vous restez avec nous ? Je le trouve très parlant, moi. Plus de pénurie à craindre, donc, pour les automobilistes. Bon, allez, on se casse. On va s'en jeter. Tiens, c'est d'accord. Oui. Cet après-midi, les salariés des raffineries Total ont voté la reprise du travail, sauf à Dunkerque. Écoutez ce délégué CGT. Allez-y, je vous écoute. Il y a eu quand même des avancées significatives. Maintenant, on reste quand même vigilant. Je vous rappelle qu'on a suspendu le mouvement. Pour autant, nos camarades de Flandre n'ont pas encore les réponses qu'ils attendent. Qu'est-ce que... Ça veut dire très clairement que s'ils ne tiennent pas leurs engagements concernant nos camarades de Flandre, le mouvement sera encore plus dur. Mais j'ai bien fait comprendre. À Dunkerque, en attendant, on est un peu amer. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Eh ben, je suis sûr qu'à la fin de la semaine, la direction, elle aurait plié, elle aurait sorti des choses. Mais là, il n'y a rien. Pour moi, hier, ils ont signé un CDD de 5 ans. Il n'y a pas de justice. Didier Migaud est donc avec nous. Je n'ai pas de commentaire à faire. Vous revenez, Thomas, sur la polémique autour d'Alice Soumaré, la tête de liste socialiste au régional dans le Val d'Oise. Oui, l'UMP, en réalité une petite partie de l'UMP, très mal inspirée, vient de faire un beau cadeau politique aux socialistes. Je suis content. Non pas tant en se trompant et en accusant partiellement à tort Alice Soumaré, mais plutôt en soulignant ce qui est vrai. Ce sont des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, dans une autre vie, une vie de laquelle il faudrait sortir nombre de jeunes des quartiers, eh bien, il a fait des bêtises. Et oui, un jeune de banlieue qui fait des conneries peut s'en sortir. T'en es sûr ? Ouais. Le problème du PS était le suivant. Comment faire pour que la grande masse des électeurs potentiels, des jeunes habitants des quartiers, décide d'essayer de changer les choses en s'impliquant dans la vie publique ? Mais vas-y, mon pote. Et Clermont. Les trois gros lourdingues de l'UMP, auxquels il faut ajouter le prévisible Frédéric Lefebvre. C'était du boulot, mais j'y suis arrivé. Viennent peut-être de débloquer une partie de la situation. C'est quoi la conclusion logique jusqu'au bout? Avec cette histoire, la jeunesse des banlieues pourra se dire qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Didier Migaud, je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à cette déclaration. Il y a eu la mauvaise qualité de la neige. Oh. Ah oui. Le damage pas comme chez nous, la dangerosité des virages. En réalité, c'est le contraire, pour être exact. Il ne manquait plus que le brouillard. Moi, ça ne m'étonne pas. Ah ouais. Pour contrarier les chances françaises aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Il faut être capable de passer pour des cons en un temps record. Si la déception est derrière nous, l'espoir est devant. Didier Migaud, c'est un dossier sur lequel vous souhaitez travailler. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez, mais vous comprendrez que... Oui, oui. C'est plus parlant que des mots. Oui, avec Didier Migaud, jamais un mot de trop. Bon, cela dit, revenons à ces Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Car franchement, que s'est-il passé depuis 15 jours pour que nous ayons autant la loose alors qu'on nous avait annoncé une moisson de médailles? C'est vrai, c'est bizarre. D'autant qu'en France, on aime la montagne. Et d'ailleurs, nos skieurs alpins ont déjà fait preuve d'excellence sur les pistes enneigées. Souviens-toi. Le numéro 14 de la descente olympique de Grenoble, en 1968, c'est Jean-Claude Killy. Il est super favori car il s'est imposé sur cette piste de Champs-Rousses en 1966 et en 1967 déjà. Le meilleur temps qu'il doit battre est celui de son pote de l'équipe de France, Guy Périllat, que le crack de la Clusaz a établi sous le dossard numéro 1. Bien que chahuté sur une piste que 13 concurrents ont abîmée avant lui, Jean-Claude Killy est très motivé. À l'arrivée, avec 8 centièmes d'avance, Jean-Claude Killy fut champion olympique de descente et à Grenoble en 1968, il fut même triple médaillé d'or. Seulement voilà, les 60s, c'était une époque d'insouciance en France. Alors qu'aujourd'hui, c'est la crise. Tiens, par exemple, lorsque la skieuse Marion Roland s'est élancée sur cette piste, où la pauvre a chuté au bout de 3 petites secondes, certes, le monde entier s'est bien marré. Mais en réalité, notre skieuse était plus que tracassée par cette éventuelle pénurie d'essence qui menaçait la France. Marion Roland n'était pas assez concentrée au moment du départ. Et tu comprends mieux ce qui s'est passé si tu lis dans ses pensées. From France, this is Marion Roland. Allez Marion, les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Ça va être un peu ric-rac pour les fins de mois, mais enfin surtout, surtout qu'avec la Golf, ça nous a fait des frais, j'avais prévenu Patrice. Pour les petits trajets, vaut mieux un moteur à essence. Plus économique. Eh ben, qu'elle a pas solide du tout. Non. C'est pas possible. Non, non c'est non. Pas possible. Alors, il faudrait trouver un appartement moins cher. Et ça, c'est quelque chose. Mais, mon Dieu, une faute de car. La pauvre... Elle a fait son scar, donc la car extérieure de son ski, voilà. C'est une erreur qui peut arriver. Ah oui, c'est une erreur qui peut arriver. Mais que ça arrive ce jour-là, c'est vraiment tragique pour Marion. C'est terrible pour Marion. Terrible. Oui. C'est tragique. D'autant plus que la pauvre Marion Roland s'est gravement blessée au genou. Souhaitons qu'elle se rétablisse rapidement. Par ailleurs, chez les mecs, en ski alpin, c'est guère mieux, hein. Pas une médaille, que dalle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, eh ben, il paraît qu'à chaque fois que nos skieurs allaient s'élancer, un drôle de type colportait des rumeurs minables en haut des pistes. Vaut mieux éviter cette descente, cette piste a une histoire. 45 personnes sont mortes en la descendant et on prétend que leurs fantômes hantent encore les lieux. C'était lors d'un concours de ski. Un groupe d'étudiants avait été tué par un enfant loup-garou évadé d'un hôpital psychiatrique. Faut dire que sous cette piste, il y a un ancien cimetière d'une tribu d'Indiens Vachikas qui ne se nourrissait que de chair d'enfants aveugles. Ouais, elle est chargée d'histoire, cette piste. Merci, monsieur. De rien. Ah ben oui, forcément, avec ces rumeurs toutes pourries, dignes d'une campagne électorale dans le Val d'Oise, nos skieurs alpins ont eu la trouille et leurs résultats ont été médiocres. Heureusement pour nous, est arrivé le patinage artistique où nous pouvions tous compter sur Brian Joubert, grand favori pour le titre olympique lorsqu'il est arrivé sur la glace. Désastre pour ce début de programme. Voilà, ça fait 2 ans que je suis complètement différent, je suis pas moi-même et c'est pour ça qu'il y a des contre-performances. T'es jamais tombé en compétition. J'ai voulu, je pense, tiens, prends ma main, diriger beaucoup de choses. Viens, on peut y arriver. J'écoutais pas mes proches, j'ai pas d'expérience, j'ai que 25 ans, j'ai pas de maturité, donc je fais beaucoup de conneries, mais j'estimais que j'avais toujours raison, donc je me remettais pas en question. Vous aviez la tête ailleurs sur ces jeux ? Non, non, pas du tout. J'étais vraiment dans les jeux. Mais quand on accumule des erreurs depuis 2 ans, on ne peut pas être prêt pour ce genre de compétition. C'est pas possible. Ça fait 2 ans que je suis un petit con. Ça fait 2 ans que j'ai un mauvais comportement, que j'ai sans doute du mépris pour mes proches. Et voilà, je le paye. Donc c'est normal. Oui, bon bah là, il n'y a rien à rajouter. Brian Joubert vient de nous offrir lui-même la clé de son échec à Vancouver. Quand soudain, au milieu de la nuit, sur la patinoire de vitesse, l'espoir est enfin apparu, puisque l'équipe de France de relais était en train de triompher. Chute ! Chute, chute, chute, chute ! Chute terrible ! Chute catastrophique pour la France ! L'Italie et la France sont au tapis ! C'est Waterloo, c'est Trafalgar, que s'est-il passé ? C'est terrible, c'est terrible. L'arrière-garde de l'armée française est décimée. C'est Roland Aronchevaux. Que s'est-il passé ? Oh là là là là là ! Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, contrairement aux jours précédents, une sordide de Schkumoun s'est abattue sur les couleurs françaises. Plus les jours passaient, et plus nos espoirs de médailles s'envolaient. Plus on avançait dans la compétition, et plus l'équipe de France Olympique s'enlisait. Ainsi, tout doucement, la campagne de Vancouver ressemblait à s'y méprendre à une bérésina. On était vaincus par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. La Privert fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni nos drapeaux. Hier, la grande armée, et maintenant troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Enfin, pas tant que ça non plus, hein. Puisqu'à Vancouver, il a tout de même fallu que des cohortes de gros camions viennent déverser de la neige sur les pistes pour que ces Jeux Olympiques d'hiver puissent se dérouler correctement. Toujours est-il que tous nos valeureux sportifs vont sans doute rentrer dépités du Canada et il va falloir toute l'énergie d'un Jean-Claude Killy pour leur remonter ce moral de loser. Vous avez eu un petit coup de mou, là. Je suis désolé, tout ça est ridicule. Mais ça fait rien, ça arrive. Craquer comme ça en pleine séance, c'est honteux. Je vous dis que c'est pas grave. Vous savez ce que c'est, on essaye d'être fort, de tenir le coup, et puis un jour, crac, les nerfs lâchent. Le problème, c'est qu'il restait pas mal de choses à voir. Je sais, je suis confus. À quoi, c'est vrai? Je supporte plus la neige. Oui, enfin, moi, je crois que vous traversez une mauvaise passe et que du coup, vous voyez tout en noir. En blanc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas spécifiquement la neige le problème. Il y en a marre de ce temps de merde. On peut pas mettre le nez dehors sans attraper une fluxion de poitrine. Bon, attendez, faut rien exagérer non plus. Hein. Qu'est-ce que j'exagère? Vous allez me parler de l'été, c'est ça? De malheureux mois par an avec un soleil tout pâle et un vent à faire s'envoler les pierres? Ah, ça c'est sûr. Nos athlètes du curling ou du ski de fond vont avoir du mal à se recycler dans des disciplines olympiques estivales. Néanmoins, ne soyons pas rabat-joie. Car vois-tu, ces Jeux Olympiques de Vancouver ne sont pas encore terminés. Ils s'achèvent cette nuit. Alors, va savoir, d'ici là, on pourrait bien glaner 2 ou 3 autres médailles, non ? Ce soir, les Français ont encore une chance de médaille ? Non. Pourquoi ? Bah parce qu'il n'y a pas de biathlon ce soir. Et s'il n'y a pas de biathlon, il n'y a pas de médaille, puis c'est tout. Oui, c'est vrai qu'on a surtout gagné des médailles en biathlon, mais comment vous l'expliquez ? Ah bah en France, depuis la crise, c'est le sport national. Hein. Vu qu'il n'y a plus de boulot, si tu veux trouver un bout de bidos, bah, tu prends un fusil et tu vas en forêt tirer un lapin, puis c'est tout. Hein. Ça n'explique pas les performances en ski de fond, ça, Philippe. Ah bah c'est pareil, t'as vu le prix des forfaits ? En France, le ski alpin, c'est terminé, hein, plus les moyens. Donc c'est ski de fond pour tout le monde, puis c'est tout. Oui, ce qui est terrible, c'est que maintenant, il va falloir attendre 4 ans pour revoir du biathlon. Nation business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. A little stairway, a little piece of car. top. A pair of mirrors that are facing one another, out in both directions, a thousand little Julias. They come together in the middle of Manhattan. You waited since lunch, it all comes at once. White Sky, autrement dit le ciel blanc, c'est celui qu'admirent les New-Yorkais de Vampire Weekend. Tandis que d'autres admirateurs du ciel vont adorer d'autres vampires ce week-end. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis un vampire. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. Alors buvez. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Alors, après avoir descendu les pistes assez peu enneigées de Vancouver, à l'heure où se terminent les Jeux Olympiques d'hiver et où la France s'est prise une dégelée, il est temps maintenant de rejoindre Touchous, les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA où nous attendent les voix pas très sages des fantômes de la radiophonie française, puisque cette semaine à l'INA, ils s'y voyaient déjà. Sans doute parce que les sages du Conseil constitutionnel viennent de découvrir les noms de leurs futurs petits camarades. Michel Charras, Jacques Barrault et Hubert Haenel qui vont débarquer dans cette honorable institution. Et bientôt, ces joyeux drilles vont vivre une sacrée histoire de QPC, à savoir de questions prioritaires de constitutionnalité, cette réforme qui permettra dès le mois prochain à tout justiciable de saisir le Conseil constitutionnel. Bon courage les gars. Et toi, tends l'oreille car voici notre Bernard l'Ermite. Alors découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on s'y voyait déjà. À l'approche des nominations, on se croyait tous assez sages pour siéger au Conseil constitutionnel. Alors, mardi soir, on a organisé un karaoké pour nous départager. Et c'est Jean Marchat qui a pris le micro en premier. Mais à quel âge vient la sagesse ? Diogène, voyant un enfant buvant de l'eau dans le creux de sa main, s'écrie : cet enfant m'apprend que je conserve encore du superflu. Et le cynique et sage déguenillé brise son écuelle. Et André et Gide regardent le soir comme si le jour y devait mourir. Et le matin, comme si toute chose y naissait. Que ta vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui qui s'étonne de tout. Sa définition était si belle qu'on a appelé André Gide pour qu'il soit notre candidat, mais il ne voulait pas. Je n'y crois pas à ma sagesse, vous savez. Je n'y crois pas du tout. Et cela me gênerait beaucoup d'y croire. En tout cas, ce que je ne fais et ce que je ne veux pas faire, c'est rôle de... C'est comment dire, je vais employer une expression très vulgaire, le rôle de poteau à indicateur. Ce que je ne veux pas, c'est de dire « voilà le meilleur ». Beaucoup plus motivé, Guy Mollet s'est distingué par un jeu de jambes inattendu. On nous a dit parfois que nous étions une assemblée irresponsable, sinon d'irresponsable. À mon avis, c'est la sagesse même de nos décisions, autant que leur hardiesse, qui montrera notre haut sens de nos responsabilités. Un effort mutuel de rapprochement est à faire, de ceux qui veulent aller trop vite, de ceux qui sont sages, trop sages, et qui ne doivent pas oublier que la déception le désarroi moral qu'elle entraînerait sont aussi une arme de la guerre froide. Mais quand Michel Serres est apparu dans son costume de lumière, toute la salle s'est mise à danser et on a su que c'était lui. Savez-vous, à propos de sagesse, cette chose que j'ai découvert en lisant le livre et que je voudrais que tous les auditeurs découvrent avec moi parce qu'elle m'a fait un plaisir fou, c'est que tout le monde sait ce que ça veut dire homo sapiens. Eh bien, homo sapiens, ça veut dire l'homme sage, l'homme qui connaît, tout le monde sait ça. Eh bien, ce n'est pas vrai. Prenez un dictionnaire latin, allez voir sapiens et vous trouverez que ça veut dire goûter. Vous savez que le mot un peu rare en français, la sapidité, un mets sapide, eh bien, sapiens, ça veut dire l'homme qui goûte. Et dans cette vieille définition ancestrale de l'être humain, il est dit que le mot sapiens, qui veut dire sagesse, commence à son premier sens, c'est-à-dire toi qui goûtes, tu as la chance de devenir sage. Toi qui ne goûtes pas, tu risques de n'avoir pas la chance de devenir sage. Alors qu'on était si bien, un messager trouble-fête est venu nous annoncer que notre sage karaoké avait été vain. Humainement, on est même en droit de se demander s'il n'est pas tout aussi légitime de laisser les gens dans l'ignorance. Ce n'est pas l'opinion des gauchistes qui en tiennent quant à eux, je les cite, pour l'information pour tous et pour chacun. Notre rôle n'est pas de trancher ce genre de débat. Tout au plus, pouvons-nous citer la position très mesurée de l'académicien Henri Fréville, qui dit quant à lui, je cite, « Les gauchistes, ils nous bassinent avec le droit à l'information, mais ce sont bien les premiers à se taper des femmes mariées dès que l'occasion se présente. » C'est peut-être dit un peu brutalement, mais c'est indéniable et très sensé. Bonsoir. Merci beaucoup, Flora Bernard, de nous avoir fait découvrir cette bande de constitutionnalistes qui, c'est certain, charassent les cheveux avec la réforme du Conseil constitutionnel. Mais pour nous, la sagesse maintenant, c'est de rejoindre nos actualités locales pour notre décrochage régional. Direction Gros Bout de les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors, toujours en direct du Morgin Palace à 11h32, retrouvons avec grand plaisir nos gros boulets préférés, à savoir Monique, l'amour en silence, et Jean-Claude, ben, avec Monique. Car cette semaine a été très riche en émotions pour nos deux héros, puisqu'au boulot du Jean-Claude, on a senti l'odeur de la révolution contre le patron. Tout a commencé avant-hier matin, vers 8h53, quand M. Fauchois, Henri Fauchois, le patron de la boîte du Jean-Claude, s'est pointé devant Lucie, la jeune stagiaire. Vous savez, Lucie, quand je vois votre mine sérieuse derrière cet écran, je sais bien que ce n'est pas pour le boulot. Hein ? La cigale ayant chanté tout l'été n'atteindra pas son objectif à la fin de l'année. Quel con. Quel con ! Mais ce n'est pas comme ça que l'on parle de son patron ! S'exclame aussitôt Jean-Claude, installé au bureau juste à côté et qui a tout entendu. Jean-Claude considère que le chef d'entreprise est un saint homme qui a choisi de consacrer sa vie à prendre des risques pour donner du boulot aux petites gens. Alors, la seule chose à faire pour remercier son patron, c'est d'atteindre ses objectifs. Bon, ça, c'est ce que pensait Jean-Claude jusqu'à vendredi dernier, quand à 10h35, son boss a déboulé devant son bureau. J'attends toujours vos dernières estimations. J'espère que vous serez prêt pour lundi. Lundi là ? Ah non, mais c'est pas possible, hein. C'est une semaine plutôt que prévu. Et alors ? Vous avez laissé entendre que vous étiez prêt, alors j'ai fait avancer la date de la réunion. Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Je vous ai jamais dit que j'étais prêt. Ah, je croyais. Mais enfin, il nous reste que 3 jours, on a une tonne de boulot. Vous avez qu'à demander à votre équipe de venir travailler ce week-end et bien faire un effort, non ? Mais c'est le 3e week-end qui bosse ce mois-ci, enfin. Et alors, la situation demande des sacrifices. Vous n'avez vraiment pas l'esprit d'équipe. Jean-Claude est complètement effondré. Voilà des semaines, voire des mois, qu'il fait des sacrifices pour répondre aux attentes de son patron, qui lui en demande toujours plus, jusqu'à l'impossible. D'ailleurs, avant-hier, vers 12h42, pendant la pause déjeuner, Jean-Claude s'est confié à Lucie, la jeune stagiaire, toujours aussi stressée par leur patron. Il lui a avoué avoir lui aussi connu le stress du travail. C'était il y a quelques années. Jean-Claude avait subi les foudres d'un patron tyrannique qui l'avait poussé à l'extrême. J'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider. Comment ça ? J'avais très original dans ces moments-là. T'sais. J'ai mis la Dajo d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Ça fait râler, hein ? Depuis, je m'en suis jamais vraiment remis tout à fait. Surtout du point de vue digestif, c'est plus comme avant. Et surtout, ce qui n'est plus comme avant, c'est que Jean-Claude refuse désormais de se laisser écraser par son patron. Du coup, il a pris rendez-vous vers 13h25 pour exposer clairement la situation. Si les conditions de travail dans la boîte ne redeviennent pas humaines, il y aura grève. Cela dit, M. Fauchois a bien essayé de négocier avec Jean-Claude. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous voulons tous les deux des accords équitables. Pourquoi il est si gentil avec moi ? Se rendre des petits services, se faire des gentillesses. Mais t'en voir, il me fait du grec ou quoi ? C'est vrai, si je vous glissais quelque chose dans la poche, où serait le mal ? Ouh la vache, il me fait du grec ! Après tout, les négociateurs forment souvent un drôle de couple. Désolé, mais je suis pas le genre à me mettre à quatre pattes devant vous. Je suis flatté, c'est sûr, peut-être même un peu curieux, mais la réponse est non. La réponse du Jean-Claude, c'est donc non. Il est hors de question d'accepter le diktat du patron qui impose des conditions de travail inadmissibles. Alors, Jean-Claude se met debout sur son bureau d'où il domine tout l'open space, attrape un mégaphone et se lance dans une vibrante harangue. Les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire. On en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on les flingue citoyens, votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de dollars. Oui, on les flingue citoyens, votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Et pour commencer, Jean-Claude propose une séquestration du patron. Il a vu ça à la télé, c'est à la mode. Alors, tous les employés, Jean-Claude et Lucie, la stagiaire en tête, débarquent devant M. Henri Fauchois et le conduisent de force dans la grande salle de réunion pour entamer une sympathique séquestration. Non, non, non, non, non, je ne suis pas directeur général, je démissionne, je suis un homme comme les autres. Un inconnu. J'ai pas demandé à venir au monde. Je veux pas aller au front. Je suis mon garçon. J'ai lu le Figaro. Mademoiselle, mademoiselle, ne m'envoyez pas au cabinet noir. Je vous copierai 100 fois la règle du plus petit comme un multiple. Je suis jeune encore, j'ai le droit de vivre. Maman, maman. Et voilà, Jean-Claude et ses collègues viennent de séquestrer leur patron qui leur impose des conditions de travail invivables et d'un coup, le stress change de camp. Sauf que maintenant, le problème, c'est de savoir combien de temps son patron va résister avant d'accepter une amélioration des conditions de travail. Eh bien, pas longtemps, dis donc, parce que presque aussitôt, ce monsieur Fauchois accepte tout ce qu'on lui demande. Un coup de fil à Xavier Darcos et hop, tous les problèmes de stress sont réglés car l'entreprise passe de la liste rouge à la liste verte sur le site internet du ministère du Travail. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Oui, mais voilà, Jean-Claude ne veut pas terminer cette séquestration comme ça. Ces mecs-là sont pourris de fric. Y'a rien à emporter, sois raisonnable. On est chez eux, je sortirai pas tant qu'il aura pas craché. C'est pas vous qui commandez. Je sortirai pas d'ici tant que mes poches déborderont pas. C'est tout. Allez, asseyons-nous. Et causons. Ah bah ça y est, il s'incruste. Il a raison, madame. Un homme de votre importance. Mais pas des petites choses de valeur. Tout le monde a ses vieilleries. Collectionnez pas les vieilles montres ou alors les timbres. Ma collection de timbres est au coffre. Vous avez un coffre? Il a un coffre. Mais évidemment que j'ai un coffre. Mais en Suisse, comme tout le monde. J'ai aussi une chasse, mais en Sologne. Un bateau, mais à Saint-Tropez. Ah bah quand même, s'exclament tous les employés qui, eux, ne voient plus leur salaire augmenter depuis des années sous prétexte de crise. Les bénéfices et les dividendes ont pourtant l'air de bien se porter. Et cette répartition foireuse a immédiatement la grève pour conséquence et la poursuite de la séquestration du patron. C'est vilain, mais c'est comme ça. Surtout qu'évidemment, vendredi soir, à 19h23, les médias locaux ont déboulé. Une grève qui s'est particulièrement durcie aujourd'hui puisque les ouvriers viennent de séquestrer le patron de l'entreprise. Sur place, notre correspondant local Francis Kuhn s'est allé à la rencontre du personnel. Oui, en effet, je suis avec Hubert Lechat, magasinier. Hubert, vous me disiez à l'instant que vous mettiez personnellement en cause Henri Fauchois dans les difficultés rencontrées par l'entreprise, d'où cette séquestration. Monsieur Fauchois n'est pas honnête. Il ne nous a pas tout dit. Non, Hubert, j'aimerais que vous utilisiez précisément les termes que vous avez utilisés hors antenne. Monsieur Fauchois est extrêmement dur. Non, vous n'avez pas dit Monsieur Fauchois, vous avez dit le vieux con. Oh, c'est un nom qu'on donne entre nous, ça. Hein. Oui. Vous avez dit le vieux con est un... Reculé. Allons, Hubert, non. Les téléspectateurs ne vous ont pas entendu, là. Parlez plus fort. Le vieux con est un gros... Reculé. Voilà, Hubert. Et voyez-vous, Jules Edouard, être journaliste, c'est informer, bien sûr. Mais c'est surtout transmettre avec exactitude le message des plus humbles d'entre nous. Même si ce message peut constituer une faute grave et provoquer un futur licenciement. Hein, d'ailleurs. Enfin, un journaliste qui prend des risques, quitte à froisser certaines susceptibilités. C'est ça aussi le grand journalisme de délation. Bien, après ce grand journalisme de délation, il est temps maintenant de passer à notre rubrique de véritable investigation, puisqu'à 11h41, il est l'heure bien sûr de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, l'adjectif qui compte triple, c'est celui de toute une génération espagnole, à savoir désenchantée. Pourquoi ? Eh bien, parce que de l'autre côté des Pyrénées, 37% des jeunes sont au chômage désormais et de nombreux trentenaires vivent toujours chez leurs parents, faute de revenus suffisants pour faire autrement. Par ailleurs, le gouvernement supposé socialiste de M. Zapatero envisage à l'avenir de faire bosser les Espagnols jusqu'à 67 ans. Du coup, fait exceptionnel, pour la première fois depuis 2004, mercredi dernier, les syndicats espagnols sont descendus dans la rue pour manifester contre cette réforme des retraites et cette paupérisation du pays. Alors, afin de mieux saisir cette déplorable situation sociale de l'Espagne, M. Julien Dugast est allé tendre son micro à M. Jean-Jacques Kurliansky, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste des questions ibériques. Ainsi, découvrons ensemble les raisons d'une génération désenchantée immédiatement après la virgule. Avec les lettres W, Q, je forme le mot WACT. Sept consonnes, cinq voyelles, désenchanté. Ah, désenchanté, ça s'est utilisé. C'est une expression qui a été utilisée à plusieurs reprises après la mort de Franco. Chaque fois qu'il y a un problème, qu'il soit politique ou qu'il soit économique en Espagne, donc il y a un désenchantement à l'égard de la politique, du politique, des évolutions de la société. Mais enfin, c'est cyclique, hein. Non, taisez-vous, parce que là, ça... Chut. La situation est telle que le gouvernement était tenu de prendre des mesures d'urgence financière sans concertation préalable avec les syndicats, donc ce qui explique leur réaction et leur volonté de mobiliser les Espagnols qui ont été choqués par l'annonce de ces mesures. Nous forcerons groupes, syndicats et partis à respirer selon nos normes politiques. Vive cette Europe de la liberté qui est la nôtre! On n'est plus vraiment dans une politique socialiste. Bah, c'est-à-dire que la politique du gouvernement qui était suivie par M. Zapatero était une politique, une sorte de politique de troisième voie, enfin, qui en Espagne porte le nom de socialisme républicain. Qui s'attachait surtout à moderniser les mœurs et la société espagnole, d'où l'adoption, si vous le rappelez, d'un certain nombre de lois contre les violences faites aux femmes, sur le mariage homosexuel, des lois concernant la réhabilitation des victimes républicaines de la guerre d'Espagne, toute une série de mesures à caractère socialiste ou social, mais qui ne concernaient pas effectivement les aspects traditionnels de la politique, des politiques social-démocrates, c'est-à-dire l'économie, dans la mesure où le gouvernement considérait que puisque ça marchait tout seul, il n'avait pas à prendre de mesures particulières. Que ce soit la révolution ou la paella, dites-vous bien que rien de ce qui est espagnol n'est simple. Une paella sans coquillage, un gigot sans ail, un escroc sans rosette, quelque chose qui déplaît à Dieu. Au temps de mes amours, je confectionnais la paella comme personne. Ils ont déjà fait des mauvais choix sur les choix immobiliers, notamment. C'est la bulle immobilière aussi qui les a mis dans cette situation. Alors ça, c'est pas un choix du gouvernement, disons que c'est un laisser-faire des gouvernements depuis José María Aznar. Effectivement, en 2007, tous les observateurs extérieurs de l'économie espagnole étaient assez préoccupés de voir que, par exemple, l'Espagne construisait autant de logements que la France, l'Allemagne et l'Angleterre réunies pour un pays de 44 millions d'habitants. Nous dirigeons actuellement vers l'Espagne. Vamos today in España. Pour vous donner un avant-goût et pour vous remercier d'avoir pris notre compagnie, nous vous offrons à boire et des filles, ainsi qu'à manger. Remerciar you, we give you tapas, cerveza, and muchas chicas desnudas bonas with grololos. Il ne faut pas désespérer de l'Espagne, pas plus que des autres pays européens qui sont en situation de crise. Ils finiront par en sortir, mais on peut penser que ça sera quand même assez douloureux et assez difficile dans les prochains mois. Vamos a seclatas en el plano, pense aux portes. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui, oui. Certes, il ne faut pas désespérer de cette situation sociale détestable de l'Espagne. D'autant plus que nous sommes tous dans la même galère. En Grèce, c'est la faillite, et chez nous, c'est chômage à tous les étages. Enfin, il y a un vrai climat en Europe. L'Espagne aussi, c'est bien. Puis c'est pas loin, au moins. Faut pas y aller en camion, mais c'est sympa. Mais dis donc, ce que je savais pas, l'Espagne, c'est à quel point c'est pauvre. Il y a pas de viande. La boucherie, c'est un cirque. D'ailleurs, c'est dans un cirque. Ils tuent les bœufs à l'épée. Vous saviez ça? Ils lâchent un bœuf. Et un mec qui rentre avec un costard à paillettes, pratiquement habillé en poisson. Parce qu'ils n'ont pas de viande, mais les bouchers sont bien sapés. Ils arrivent là, le mec, il court après avec son épée. Il l'énerve avec son manteau et tout. Et à chaque fois qu'il le rate, les mecs qui attendent pour bouffer. Allez ! Il y a un bœuf, il y a un monde. Le mec, il tue, il a deux oreilles et la queue. C'est pour vous dire la misère, hein. Ay, los playboys de profesión vestidos por Cardin, calzados por Carville. Que usan Ferrari por la pompa y la playa cuando van a Cartier Omar del Plata. Nada de eso envidio yo, créalo, créalo. Yo tengo un pito azul. Algo superior, de gran calidad, marca Crack Boom U. Las niñas mueren de amor. No me da miedo el pelo ni la melena de los hippies. Tampoco los ángeles del infierno del motor. Nada de eso envidio yo. Créalo, créalo. Yo tengo un pito azul, algo superior, de gran calidad, marca Crack Boom U. Las niñas mueren de amor. Desprecio los que leen, que hablan y tienen problemas. Los que filosofía saben de Buda y de Zen y de Carlos Gardel. Nada de eso envidio yo. Créalo, créalo. Yo tengo un pito azul, algo superior, de gran calidad, marca Crack Boom U. Las niñas mueren de amor. Hay los playboys de profesión vestidos por Cardin, calzados por Carville. Que usan Ferrari por la pampa y la playa cuando van a Cartier Omar del Plata. nada de eso es vindio yo. Créalo, créalo. Yo tengo un pito azul, algo superior, de gran calidad, marca Crack Boom U. Las niñas mueren de amor. Crack Boom U, Crack Boom U, Crack Boom U. Las niñas mueren de amor. Feliz Navidad. Les Playbois. C'était l'espèce décrite en 1966 et en espagnol par Santiago Dutronc. Mais que dirait-il des Playboys d'aujourd'hui ? C'est quoi ton nom ? Lester. Lester, le molesteur, croque la touffe. Non. Wow, ça, c'est sûrement le plus débile de tous les surnoms porno. J'ai le droit d'avoir un surnom porno ? Dans ce cas, je m'appelle Pete Jones. Ok. Alors maintenant, à 11h51, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Bauduit, puisque la panique au Mansion Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Bauduit, bonjour. Salut Colin. Alors que nous offre la presse cette semaine, camarade ? Ah Philippe, cette semaine, la presse nous désigne ceux sur qui l'on peut compter, les valeurs sûres, les piliers de la société. Et pour commencer, comme valeur sûre, il y a évidemment l'Église. Eh ben, ainsi soit-il. Voilà, parce que l'Observatore Romano, le quotidien officiel du Vatican, vient de dévoiler les chansons nécessaires pour être un bon chrétien, avec la liste des 10 albums recommandés par le pape. Et oui, on a très envie de savoir. Ça. Ah voilà, Ben Sixteen s'est transformé en Marc Tosca, le mémorable présentateur du Top 50, qui, à l'instar de Joseph d'Arimathie, disait « Salut les petits clous ». Voilà, donc Benoît XVI est un fan de rock, c'est merveilleux. Et au sommet de son Top 10, il y a l'album « Revolver » des Beatles. Non. Si, un sympathique clin d'œil à Aliaxa, sans doute. Enfin, je vois que ça. À la troisième place, on a Pink Floyd avec l'album The Dark Side of the Moon, la face cachée de la lune. Mm-hmm. Un petit clin d'œil au clergé irlandais, peut-être. Je cherche. Philippe, à la sixième place, on trouve l'album Thriller de Michael Jackson, le pape de la pop pour un pape sans capote. Voilà, donc l'Observatore Romano nous présente un souverain pontife à la cool, Ratzinger rocker, grave, on n'y croit pas. Ah non, mais c'est pas possible. Mais pas du tout. Drogue et sexe, ça c'était déjà fait. Avec le rock'n'roll, bah, c'est complet. Hein. Alors, Philippe, autre pilier de la société qui se distingue dans la presse cette semaine, c'est évidemment... l'armée. Ah oui. Ça c'est bien, hein. C'est la croix et le groupillon. Là. Dimanche dernier, le général Jean-Louis Georgelin, qui a été le chef d'état-major des armées jusqu'à mercredi dernier, nous a balancé cette déclaration fracassante, digne du café et du commerce, enfin, en l'occurrence du mess des officiers. Il a dit « Oh, bah mon bon monsieur, à l'heure actuelle, nous avons dépensé plus de 10 millions d'euros pour nous occuper de l'affaire des 2 journalistes de France 3 enlevés en Afghanistan. » Je mets les gens devant leurs responsabilités. Alors... faites bien le militaire. Hein. Ah oui, à fond. Et ensuite, il a rajouté, croyez-moi, ce genre d'opération, moins on en parle, mieux c'est. Voilà. Bon, alors Philippe, déjà, moi j'adore ces moments rares où un militaire parle de dépenses excessives. Voilà, c'est un peu comme si Lady Gaga se plaignait de l'excentricité vestimentaire de la jeunesse. Quoi. Bon, alors, de son côté, le canard enchaîné, toujours désireux depuis la Grande Guerre de comprendre les militaires, a demandé à l'état-major des armées le détail de cette somme. Parce que 10 millions d'euros, faut y aller. Ben oui, bon, pas de réponse. Hein. Alors, le canard en profite aussi pour demander combien a pu coûter le sauvetage des infirmières bulgares, par exemple, ou bien d'autres expéditions qui concernaient, c'est certain, des otages qui, eux, n'étaient pas des journalistes irresponsables. Enfin, passons. Hein. Alors, j'ai cherché, Philippe, toujours ces piliers de la société. Comme autre valeur sûre, il y a évidemment le service public. Sur le site rue 89, on nous raconte cette histoire assez incroyable. Le 27 janvier dernier, dans le train Paris-Nice, à 9h42, les passagers ont pu entendre cette annonce des contrôleurs. « On nous signale 3 petites gitanes dans le train. Faites attention à vos bagages. » Voilà. Alors, classe. Ouais, classe. Tout de suite, certains passagers ont expliqué au contrôleur qu'un simple des pickpockets sont susceptibles d'agir dans ce train. Bah, c'était un peu moins discriminatoire. Voilà. Et une voyageuse, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Toulouse, a envoyé un mail à Guillaume Pépi, président de la SNCF, qui en a accusé réception et qui a promis d'envoyer à tous les contrôleurs une note de rappel sur la déontologie en vigueur dans l'entreprise. Mmh. Bon, ben, ce sera pas du superflu, hein, car étonnamment, au même moment, les contrôleurs de Toulouse ont reçu dans leur casier une note signée du responsable SNCF Midi-Pyrénées. Je vous la lis. Ces dernières semaines, des soucis ont été rencontrés avec des Roumains. Et la note continue ainsi. Par ailleurs, les faits de Roumains doivent être signalés au PC national de sécurité de la SNCF. Voilà. Les faits de Roumains. Et ils sont dingues. C'est charmant. Hein. Mmh. Bon, alors, heureusement, les syndicats de la SNCF se sont émus de cette dérive. Peut-être individuelle, mais validée par la hiérarchie qui entache toute la profession. C'est terrible tout ça. Alors, Philippe, j'en pouvais plus. Moi, j'ai cherché le dernier pilier intact de notre société. J'ai trouvé la famille. Ah. Voilà, pas n'importe laquelle, la famille royale italienne. Mais oui, parce que moi, je vous connais, vous êtes tracassé depuis un petit moment là au sujet de la succession au titre de chef de la maison de Savoie qui donne droit d'espérer pouvoir être un jour roi d'Italie. Le rêve de tout à chacun. À part ce que, alors je vous explique. Emmanuel Philibert, vous voyez là le belâtre marié à la mielleuse Clotilde Courau, se voit contester ce titre de chef de la maison de Savoie par ses cousins, Amadeo, duc d'Aoste, et son fils, Aemon, duc des Pouilles, voilà, Jean Montpouille. Alors, tout ça parce que Victor Emmanuel, le père d'Emmanuel Philibert, n'aurait pas eu le consentement de son daron quand il s'était marié avec une roturière en 1971, c'était à Téhéran. Et Philippe, excusez-moi, mais j'entends dans mon casque une remarque d'auditeur, c'est Stéphane qui nous écoute de la ville où siège le gouvernement fédéral suisse. Berne, qui vient de dire qu'après se marier à une actrice, ça aurait suffi à le destituer. Mais non, parce que le magazine Point de Vue nous apprend que le 15 février dernier, le tribunal d'Arezzo a reconnu que le chef de la maison de Savoie est bien Victor Emmanuel et son fils Emmanuel Philibert. Et ben nous, on s'en fout. Voilà. Bon, Philippe, écoutez, résumons tout ça. Les princes épousent des danseuses. Le pape écoute du rock. L'armée se dit économe. Bon, écoutez, la seule chose qui reste solide dans notre société, c'est la xénophobie ambiante. Merci beaucoup, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. Encore une. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 194e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mange un Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine et à la réalisation, il y avait ce week-end Jérôme Chélius, doublure d'Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Jérôme, c'était parfait. Autant hier matin que ce matin, et assisté aujourd'hui à la technique de Claudine Lapersonne et de Sandrine Laurent. Voilà, merci beaucoup à vous deux, c'était parfait comme d'habitude. Pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie beaucoup. Merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'au documentaliste de Lina et à Lucie Lerat, notre sympathique stagiaire qui nous quitte aujourd'hui et à qui nous souhaitons une très belle route. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la Panique au Mange un Palace possède un site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve dimanche prochain en direct, mais aussi samedi dans notre cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique, toujours à 11h sur Inter, avec de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.